Yeah. Venu au monde un 17 juin 82. Avec l'aide de ma mère, les autres je m'en fous, je n'ai pas besoin d'eux. Un jour d'été, il est à peu près midi 30. Le petit Mohamed n'a pas eu du mal à sortir du ventre. Je respire un coup, je suis enfin prêt pour la baston. Après deux filles, enfin un petit garçon. Né dans une ville, dans le nord de la France. HLM, délinquance, pauvreté, c'est foutu d'avance. Suivront la venue de mes frères et mes petites sœurs. Sponsorisé par Aldi, Resto du Cœur et Lidl. Les temps sont durs, mais tout le monde mange à sa faim. Quand mes parents s'embrouillent, ça part en couille, on n'en voit pas la fin. En voyant cette vie de famille devenir tragique, ma mère décide de faire toutes nos valises et de partir. J'y laisse des amis, des amours, des connaissances. Direction Marseille pour une nouvelle vie, une nouvelle chance. Mon existence, emportée par le vent. Revenir en arrière pour regretter serait une perte de temps. Nomade, je voyage sur le parcours de la vie. Ma vision s'élargit, alors je prends le rap pour thérapie. Je suis un jeune coincé entre vice et vertu. Mon amertume fait que j'ai l'écriture pour couverture. Le regard monotone, la fierté dans le sang. Tout comme cette feuille d'automne, je me laisse emporter par le vent. Nous voilà seuls, y'a tout à reconstruire. Obligé de rebondir, mon cœur lui est au fond des abîmes. Toujours vif comme au premier jour de cours, où tour à tour les mecs te mat claquent pas des genoux, t'es viré de la cour. C'était encore l'époque, t'as le club Dorothée. Tous les gens du quartier sont sous le seuil de pauvreté. Au collège, je ne suis pas le seul à venir de loin. Y'a des Sénégalais, des Comoriens, des Maghrébins. Pour mon intégration, y'a pas trop de problèmes. Algérien cosmopolitain, on se croirait au bled. Écorché vif, j'suis pas bavard, très solitaire. Moi j'ai le mal de vivre ayant la zig pour somnifère. Des nouvelles amitiés, des nouveaux collègues. On aménage dans un trois pièces pas très loin de Portex. C'est la misère, mais tu connais, on fait avec. J'aperçois plus souvent le joli sourire de ma mère. Mon existence, emportée par le vent. Revenir en arrière pour regretter serait une perte de temps. Nomade, je voyage sur le parcours de la vie. Ma vision s'élargit, alors je prends le rap pour thérapie. Je suis un jeune coincé entre vice et vertu. Mon amertume fait que j'ai l'écriture pour couverture. Le regard monotone, la fierté dans le sang. Tout comme cette feuille d'automne, je me laisse emporter par le vent. Les années passent, mon histoire suit son cours. Je préfère rester en bas des tours qu'aller en cours. J'attends mon tour, en étant dans le doute. Cherchant une route qui me mènera vers la sortie de secours. Ça vend du shit, ça devient tôt la roucariste. Y'a du trafic, c'est la folie car c'est l'asile. De la joie, de la tristesse, on tient les murs salis. Je te l'ai déjà dit, le centre-ville, c'est le Brésil. Face à ma feuille, mon stylo pleure une fois par soir. Contrainte de m'en sortir, conscient que personne le fera à ma place. Emporté par le vent, sans rame sur une galère. Après la pluie, vient l'ouragan et puis l'averse. Si je pouvais, moi, je changerais de planète. Je soigne mon mal-être, car le bonheur manque à l'appel. J'ai de la peine, je suis d'accord avec Cabrel. Personne ne t'aide quand tu t'appelles Saïd ou Mohamed. Mon existence, emportée par le vent. Revenir en arrière pour regretter serait une perte de temps. Nomade, je voyage sur le parcours de la vie. Ma vision s'élargit, alors je prends le rap pour thérapie. Je suis un jeune coincé entre vice et vertu. Mon amertume fait que j'ai l'écriture pour couverture. Le regard monotone, la fierté dans le sang. Tout comme cette feuille d'automne, je me laisse emporter par le vent.